la micaouette me fait la tête. Cacaouette, la petite Noé veut plus me parler. Canoë, la micao, ma micao. Cacao, la petite Ramelle m'est infidèle. Merci Zinedine. Bien, bonjour à tous. Nous sommes bien sur le 107.fm en direct à Radio Gemozo. Merci Zinedine. Donc on va faire un petit tour de table tout de suite pour se présenter. On va commencer par la technique. Bonjour, je m'appelle Steven. Je suis avec Marc. Avec Marc. C'est avec Marion. Bonjour. Merci Steven. Bonjour Marion. Ensuite. Christopher. Oui. Bonjour, je m'appelle Juliana. Bonjour, donc Didier Ballan, chef de service à l'IME de Saint-Amé. Monsieur Ballan. Didier. C'est Didier. Bonjour, je m'appelle Camille. Et un gros coucou. Didier. Chut, tu m'étais bonjour. Nicolas, bonjour. Voilà, le retour de Nicolas aussi. Donc, nous avons un invité aujourd'hui, Monsieur Ballan. D'ailleurs, on va le remercier d'être venu, disons, d'avoir été aussi réactif, parce que nous devions recevoir Eddie aujourd'hui et il n'a pas pu se libérer. Voilà. Donc, avant de commencer avec les questions pour Monsieur Ballan, nous allons rappeler la dernière chanson mystère qui était Section d'assaut, choisie par Eddie. Voilà, donc je pense que personne n'a appelé, personne n'a trouvé. Pourtant, c'est connu. Eh bien, on va passer à la nouvelle chanson mystère qui a été choisie par Timothée. Donc on ne dit rien et on écoute. Why? Voilà la chanson mystère. Juliana, tu peux nous donner le numéro, s'il te plaît ? 03 29 62 40 40. Voilà, merci Juliana. Bon, ben écoutez, on va commencer Corinne, avec Monsieur Ballon. Oui. Je veux la dédicacer à vous tous. Mm-hmm. Oh, c'est gentil, Timothée. Timothée, dédicace à tout le monde. Sympa, merci Timothée. Merci Timothée. Merci. Voilà, donc la première question que je vous avais posée, c'était « Que fait Monsieur Ballon à l'IME ?» Alors, vous allez donner vos réponses, chacun à votre tour, bien sûr. Nicolas, vas-y. Il fait des papiers. Oui, Valérie, on t'écoute, vas-y. Il appelle au téléphone. Il travaille sur son ordi. Tu me dis si t'as oublié des choses, je complète. Hein. Il y a même les araignons. Bien, oui. T'as dit qu'il disait bonjour à tout le monde, ça c'est vrai. Oui. Hein? Et puis, il donne des sanctions. Des sanctions. Voilà, c'est bon Nicolas. Ensuite, qui avait dit quoi ? Vas-y Juliana. Moi j'avais dit, quand tu vois Monsieur Ballon, tu convoques les éducatrices quand ils font des bêtises. Et ça arrive souvent ? Ah oui, j'en vois plein de personnes je vois. Il y a beaucoup du monde qui va dans le bureau de M. Ballon. C'est pas forcément parce qu'on a fait des bêtises, enfin, je pense pas. Non, trois fois. Non, deux fois. Juliana. Non, les éducateurs. Moi aussi, moi. Ou peut-être c'est pour, je sais pas, moi, pour parler de réunion. Moi aussi. C'est souvent pour parler des enfants que je vois les éducateurs dans mon bureau. Alors, je rappelle une règle essentielle, on ne coupe pas la parole. Merci, Nicolas. C'est bon, Juliana ? Oui, c'est bon. Camille, qu'est-ce que tu avais dit ? Qui se rappelle ? Voilà, une amnésie générale encore. Camille ! Il discute des enfants, du personnel avec Madame Swartenbrooks. C'est vrai, Monsieur Ballon ? Oui, ça arrive assez souvent quand même, oui. On fait un point toutes les semaines pour discuter comment ça se passe, comment ça va au niveau du personnel, au niveau des enfants. Non, donc Camille, tu as raison. Ensuite, Christopher, qu'est-ce que tu avais dit ? Je ne sais plus. Ah ben voilà, il dit oui au PPA ou non aux sorties. Voilà. C'est vrai ? Ah, ça arrive de dire non, oui. Non, c'est trop cher. Il y a des sorties qui ne sont pas possibles. Donc, trop cher. Des fois, je suis obligé de dire non. Mais c'est pas souvent. Mm-hmm. Si, c'est souvent. C'est trop souvent, Juliana. Oh, ils vont se plaindre encore. Ouais. Hein. Trop cher. L'argent. Et Christopher, tu avais dit d'autres choses quand même. Hein. Comme ça. Tu avais dit qu'il dirigeait tout le monde, qu'il fait les emplois du temps. C'est ça ? Oui. Tu avais dit qu'il faisait les visites des groupes quand il y avait des nouveaux, c'est vrai aussi ? Oui. Ouais. Bon, ben, ça part bien. Hein. Ouh. Oui, c'est assez juste ce que vous pensez de mon travail. Tu avais dit quoi, toi ? Non, pas là. Non. Sur ce que M. Ballon fait à l'IME. Bon, on va abréger. Il donne des feuilles. Oui. Il fait le Père Noël. Oui. Il se met du parfum, il sent bon. Il dit parfum, il sent bon. C'est ça, Zinedine ? Oui, oui. Il arrive. C'est des bras. Et puis, Steven, tu avais dit quoi ? J'ai bu. Téléphone aux parents. C'est ça que tu as dit ? Oui. Oui, voilà. Et puis il y avait aussi Timothée, fait des papiers, travaille sur son ordi. Oui. Ok. Bon, allez, on peut passer aux questions plus précises hein, de votre part. Moi. Alors, qui va commencer? Moi. Eh bien, Christopher. Joues-tu à la pétanque? Alors, ça m'arrive de jouer à la pétanque, oui, avec les amis, surtout pendant les vacances. Ah. Nicolas, vas-y. As-tu une moto? Oui, j'ai une moto. Tu l'as vu puisque je suis venu avec tout à l'heure. Zinedine. As-tu une voiture? Dans le micro, Zinedine. J'aimerais-tu? Mais avez-vous une voiture? Tiens. Voiture. Tiens, oui. Oui, j'ai une voiture, effectivement, pour venir travailler quand il fait pas beau. Attends. Du bateau. Est-ce que je vais manger au McDo? Oui. Ah, ça m'arrive, oui, de temps en temps. Alors, c'est bon? Non. C'est quoi, attends, quelqu'un d'autre. Vas-y, Camille, vas-y. Où tu habites? J'habite à Épinal. Et au golf. Tu connais Épinal, Zinedine? Non. Merci. C'est loin. C'est loin. C'est pas loin. Bon, non plus. 20 minutes. Bien, Nicolas. À peu près 20 minutes, oui. Ensuite, Christopher, vas-y. Joues-tu au golf? Non, je ne joue pas au golf. Oh, ah ouais. Vas-y, Juliana. Parle dans le micro, Juliana. Quel est votre parcours? Oh, c'est assez compliqué mon parcours, tu sais. J'ai fait un BEP de micromécanique. Alors je sais pas, ça vous parle pas beaucoup, mais c'est pour faire de la mécanique. Alors c'est pas pour les voitures. Moi j'ai appris à travailler pour faire des montres, par exemple. Montres de luxe. Entre autres, oui, des montres de luxe. Pour les riches. Et puis après, j'ai fait un BTS d'informatique industrielle. C'est quoi ça? Alors de l'informatique, c'est travailler sur les ordinateurs et je travaillais dans des entreprises pour faire travailler des robots. Et après, j'ai pas pu travailler dans ce domaine-là puisque j'avais fait l'armée et j'ai pas pu continuer. Donc après j'ai fait l'école pour être éducateur spécialisé. Et il y a un an, je suis devenu le chef de service de l'IME de Saint-Amé. Après ça fait plus de 20 ans que je suis éducateur spécialisé et que je travaille auprès des enfants dans différents domaines. Voilà. Donc ça fait un an que vous me supportez en tant que chef de service. Bon, ça va, c'est pas trop difficile. Non. Un beau parcours hein, pour Monsieur Ballon. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Alors, prochaine question. Qui? Christopher, vas-y. Attends, va me le dire, Juju. Mais ça, c'est dur, ça. Oh, ouais, c'est pas dur. Alors, est-ce que je joue au baseball? Oui. Alors, je sais pas comment tu sais ça, mais c'est vrai que je joue au baseball depuis très longtemps. Yes. Et je suis... alors, pour la petite histoire, je suis aussi l'entraîneur du club d'Épinal. Hop, 2 points. Donc, tu marques 2 points, bonne question. Baseball. Alors, est-ce que le baseball, c'est les mêmes règles que le foot, le basket, tout ça? T'as une balle, tu dois faire... Après, tu dois courir chercher la balle. Déjà, c'est sur le truc blanc, c'est là. Ça. Oui. Donc, t'as déjà vu Ah, tu es, oui. En Amérique. Oui. Tu pourrais approcher un peu le micro de toi, Christopher, parce qu'on t'entendra pas quand on va répéter. Voilà. Ensuite, vas-y, Juliana. Le micro, Juliana. Allez, 2 points. Quel est votre âge? C'est une très bonne question. Vous avez trop de joker, monsieur Ballon. Non, j'ai aucun problème avec ça. En fait, je vais bientôt avoir 50 ans. Oh! Et j'ai vu que sur ton papier, il y avait ma date de naissance. Je vais même te la donner, parce que c'est pas un problème. D'où la date de naissance? Oh! Ah oui! Et je suis né le 8 mai. Oh! Donc c'est bientôt. 50 ans! Ouais! Alors, je vous rappelle qu'on est fin avril, donc c'est bientôt le 8 mai. Rappelez-vous. Comme ma mamie, parce que ma mamie, elle a 51. Elle a 50. Ma mamie, alors t'enfonce encore plus. Merci, Nicolas. Les mecs, j'ai envie de rencontre. Merci. Allez-y, poursuivez. Vas-y, Juliana, au micro. Merci. Avez-vous un autre travail en dehors de l'IME? Non, je n'ai pas de travail en dehors de l'IME. Je ne travaille qu'à l'IME. Après, j'ai des activités à côté, mais qui ne sont pas un travail. Je m'occupe du club de baseball d'Épinal et d'une association qui s'appelle Allez Vosges. Qui s'appelle Allez Vosges et qui accompagne les personnes en situation de handicap dans les loisirs. Voilà, donc en plus de mon travail, j'ai deux associations. Voilà. Donc ça suffit, hein? Oui, c'est déjà pas mal, je trouve. Oui, vas-y. Écoutes-tu la musique chez toi? Oui, très souvent. Allez-y, hein, vas-y, Timothée. Avez-vous une belle maison? Bah, oui, je pense, parce que je fais des travaux dedans pour qu'elle soit bien. Voilà, donc après, je ne sais pas si toi tu la trouverais belle, mais moi je la trouve belle, oui. Ensuite, Camille? Avez-vous un animal de compagnie? Oui, j'en ai même deux, j'ai deux petits chats chez moi. Deux chats, oui. Mmh. Moi aussi j'en ai deux des chats. Et moi j'ai un chien. Moi j'ai deux chats et cinq bébés chats. Mmh. Et avant que je déménage, j'avais des moutons. Oui, c'est bien. Ensuite, allez-y. Hein. Maureen. Vas-y, Juliana. Quelle est votre passion? J'en ai une principale, c'est le baseball. Ouais, la réponse à moi. Ouais, parce que j'ai commencé à jouer quand j'avais 17 ans et j'ai pas arrêté depuis. Donc, tu vois, ça commence à dater quand même. Ouais, mais tu vas mettre aux États-Unis. J'y suis déjà allé, oui, voir des matchs aux États-Unis. J'ai eu cette chance. Avez-vous une... Avez-vous? Oui. C'est la troisième? Non, deuxième. Ah. Bah, as-tu une grande maison, c'est ça? Oui, une grande maison. Bah, on a déjà parlé, là, de la maison. Timothée, il a posé la question. Je dois barrer. Bah oui, tu peux, oui. Alors, Zinedine, vas-y, à toi. Alors, tu articules bien. Vas-y. Aimez ça, le travail. Aimez-vous votre travail? Oui, j'aime mon travail, sinon je pense que je ne l'exercerai pas, j'arrêterai. Oui. Mais j'aime bien mon travail, oui. Eh, moi, dépose-moi. À qui? Timothée? Moi. Je dois vraiment très mal écrire, je crois, parce que... Ouais. Je vois ça. Très mal écrire. Regardez-vous les infos. Alors j'essaye de regarder au moins une fois par jour, mais c'est pas toujours facile. Par contre, je les écoute à la radio. Quand je viens travailler, j'écoute la radio et j'écoute. Alors j'écoute pas Radio Gémozo, mais j'écoute France Info pour avoir les informations. France Info. Voilà. Joueur de baseball. Les gagnés, les gagnés. J'espère qu'il y a des émissions de baseball. C'est à qui là? Vas-y, Juliana, dans le micro, merci. Tu tombes en rouge dans le studio. Chut, voilà. Si vous quittez l'IME, qu'est-ce que vous ferez? C'est une très bonne question, Juliana. Je crois que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferais si je quittais l'IME. Je pense que je continuerai à faire le travail que je fais déjà, mais... Mais après, je ne peux pas te dire ce que je ferai exactement, je ne sais pas. Après, il n'y a pas de raison, Juliana. Hein? Christopher, vas-y. Vas-tu à la piscine? Je n'y vais plus depuis un an. Depuis que je travaille à l'IME, en fait, j'ai plus le temps d'y aller. Ok. Voilà. Par contre, avant, quand je travaillais à l'IME d'Épinal, j'y allais au moins une fois par semaine. Okay. Parce que j'accompagnais les enfants à la piscine et j'aimais bien nager avec eux. C'est quoi ce plan? C'est courir. Vas-y, Zinedine. Attends. Tiens. Quinté. Tu vois, c'est maman. Oui, j'ai une maman, oui, bien sûr. Qui est déjà beaucoup de chabarri. Tu vois, ça paraît pas, je vais te souligner pour que tu voyes. J'ai la chance d'avoir encore ma maman, oui, effectivement. Ça y va, Nicolas, vas-y. Avez-vous. Mais elle écrit mal, Corinne. Hey, Corinne, elle dit que tu écris mal, Juju. C'est quoi là, à toi? Vas-y, Juliana. Ok. Je vais Hey, Juliana. Attends, j'entends courir. Corinne. Vas-y, Juliana. Si. Aime, vous venir à l'IM. Ah oui. Oh là là. Attends, aime, vous venir à l'IM. Oui, j'aime bien venir à l'IM. Parce que c'est toujours. C'est toujours une aventure de venir à l'IME, de vous rencontrer. Vas-y, Nicolas. Oh, je veux... Avez-vous des enfants tout seuls? Des enfants tout... Alors moi, je peux pas avoir des enfants tout seul, hein, parce que je suis un monsieur, donc... voilà, mais j'ai des enfants, oui, j'ai deux enfants. C'est une drôle de question. Ouais. Avez-vous une grande... Télé. Mmh. Aimez-vous regarder la télé? Aimez-vous... télé. C'est quoi là? Aimez-vous regarder la télé? Aimez-vous regarder la télé? Oui, j'aime bien regarder la télé. Oui. Je regarde des séries. Comme moi. Juliana, vas-y. Attends. Juliana, tu prends le micro. Et puis, ce qu'on va faire, tu vas terminer toutes tes questions. Ça évitera de. J'en ai plus qu'une. Ah, bah alors voilà. Voilà, hein. Aime-vous Mbappé? Question foot. J'ai vu qu'il y avait, il y avait d'autres questions dans la liste sur le foot. Alors, je ne suis pas un grand fan de foot. Après, je trouve que Mbappé, c'est un bon joueur. Après, je ne sais pas, ça, c'est pas, je ne peux pas dire ça. Après, c'est vrai que c'est un grand joueur. Donc après, ce que je sais pas si je l'apprécie plus que ça. Vas-tu à la salle de muscule? Ok. Parle bien dans le micro, Christopher. Tu dis des bricolages? Oui, je bricole. Bricole beaucoup d'ailleurs. Je fais beaucoup de travaux dans ma maison tout seul. Okay. Voilà. Vas-y, une autre. Vas-tu à la salle de muscu? Non, je vais pas à la salle de muscu. Non, je fais beaucoup de sport, mais pas. Je vais pas en salle de musculation. Ensuite, vas-y Nicolas, tu te fais l'ordre. Aimes-tu l'IME? Oui, bah, j'aime bien venir faire mon travail, j'aime bien venir vous voir. Pour le moment, j'aime bien. Donc je continuerai encore un peu. Ensuite, vas-y Christopher. Fais-tu du vélo? Oui, je fais du vélo, du VTT. Ok. Du VTT. Ensuite. Ouh, alors Steven, vas-y. Merci. Aimez-vous rester tranquille dans votre bureau? On t'entend pas, Steven, là. Fais-tu de la peinture? Ok. Dis-le plus fort. Aimez-tu être tranquille dans votre bureau? Alors, ça arrive pas souvent, faut le dire. Mais effectivement, ouais, j'aime bien un peu de temps en temps être tranquille. Ça me permet de travailler, d'avancer sur des dossiers. Mais c'est assez rare d'être vraiment tranquille dans mon bureau. J'ai toujours quelqu'un qui vient me voir, en fait. Toujours dérangé. Pas forcément me déranger, parce que c'est fait partie de mon travail de rencontrer et de discuter avec les gens. Mais il n'y a pas beaucoup de temps où je suis tranquille, en fait. Une autre, Steven? Non. La deuxième, j'arrive pas à la lire. Décidément. Avez-vous une moto bineuse? C'est quoi une moto bineuse? Pour le jardin. C'est pour faire le jardin et en fait, non, j'ai pas de moto bineuse, Steven. Ça coûte trop cher. Parce que j'ai pas un grand jardin et donc j'en ai pas besoin. Tu as encore posé? Oui. Aimes-tu tes enfants? Oui, j'aime mes enfants, même si des fois ils sont un petit peu difficiles. Mais je crois que comme tous les parents, je crois qu'on aime bien nos enfants. Ça va avec la question d'après. Mmh. Vous écoute-t-il? Alors, quand ils étaient petits, ils m'écoutaient. Maintenant qu'ils sont plus grands, ils ont un peu plus de mal. T'as une autre, Steven? Oui. Vas-y, hein. Faites-vous le ménage comme il faut. Faudrait que tu demandes à ma femme savoir si ça lui convient. Mais je pense que je sais faire le ménage. Après, c'est pas ce que je préfère hein, dans la vie. Nicolas, vas-y. Monsieur, faire la cuisine. Oui, j'aime bien faire la cuisine. Alors, j'ai moins l'occasion depuis que je travaille à l'IME de Saint-Amé. Mais avant, quand j'étais à l'IME d'Épinal, je m'occupais des ateliers cuisine avec les ados que j'accompagnais. Et j'aimais bien faire ça, oui. Timothée, vas-y. Après, c'est quoi? C'est pas posé la question, c'est de la peinture. Aimes-tu le foot? Ah bah, ça a déjà été dit, Timothée. À l'instant. Tu étais où, Timothée? Plané dans le ciel. Marqué. Oui, mais ça a déjà été posé. Je suis pas un grand fan de foot. Hein. Je regarde le foot quand c'est la Coupe du Monde, par exemple. Vous gagnez les voitures qui donnent. Non, parce que je joue pas sur les jeux à la télé. Quelle est ton équipe préférée? Alors, si on parle de foot, j'ai pas d'équipe préférée. Par contre, si on parle d'équipe de baseball, j'aime bien les Boston Red Sox. C'est une équipe française, ça? C'est une équipe américaine. Voilà, oui. C'est pas français. Ah! Et? Bah vas-y. Fais-tu de la peinture? Alors, de la peinture pour repeindre un mur, faire un petit meuble, oui. Mais faire de la peinture pour faire des tableaux, non. Parce que je suis pas très doué pour ça. C'est quoi? Ah bah c'est ta question, hein. C'est quoi? Regarde tes camis, c'est quoi ça? Du petit? Non, c'est un papy, pardon. Un papy, un bonnet. Excuse-moi, Zinedine. On a entendu bonnet. Alors, un papy... Écoute. Donc mes deux papys étaient très âgés, donc ils sont plus vivants. Ils sont plus là, mes papys. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, ils auraient plus de 100 ans. Ouais, donc, ça serait... Ensuite, vas-y. Christopher, vas-y. Vas-tu à la chasse? À la chasse, non. J'y suis allé une fois. Attends. Et ça ne m'a pas particulièrement plu. Donc, non, je ne vais pas à la chasse. As-tu un jardin? Zinedine, vas-y. Okay. Des cossons. Alors, moi, j'ai pas de console. Mon fils en a plusieurs, mais moi, j'en ai pas. Quoi? Alors, de temps en temps, il accepte que je joue avec lui. Tu veux être copain avec le fils de Monsieur Ballon, toi? Hein? Allez, redresse-toi. Vas-y. As-tu un jardin? Oui, j'ai un jardin. Ok. Mais pas un jardin potager, donc je fais pas pousser de légumes. Cri-cri. Tu vas marcher. Oh. Vas-y, Nicolas. As-tu au marché? Non, j'ai dit Nicolas. Non, je répète la question. Ah. Vas-y. Ah, il y a un souci de lecture encore. Corinne. Aimes-tu faire la cuisine? Attends, ça c'est... Non. T'en es où, là? Allez, pour. C'est moi. Quoi? Ah, combien as-tu d'enfants? Mais ça a déjà été dit. Est-ce que tu as entendu la réponse? Non. J'ai deux enfants, en fait. Ils s'appellent Victor et Flavie. Deux fois. J'ai vu que sur ta question, tu voulais connaître leur prénom. Deux fois. Qui c'est qui compte? Vas-y. Vas-tu au marché? Oui, je vais au marché, oui. C'est quoi ça? Je vais acheter mes légumes et de temps en temps, je vais chez le boucher au marché à Épinal. Tu as la bibliothèque. Hein? T'as acheté un habit? Achetez-vous vos habits, hein? Ah oui, j'achète des habits, sinon je pourrais pas venir en pyjama, hein, au travail. Pyjama. Donc oui, je vais faire, faire les magasins pour m'acheter des habits. Et là, c'est gars. Oui, j'achète des glaces aussi, Zinedine, parce que j'aime bien aussi. Mes enfants aiment bien aussi les glaces. Corinne. Oui, vas-y. Vas-tu à la bibliothèque? Oui, je vais à la bibliothèque de temps en temps. Alors, j'y vais pas toutes les semaines, hein, mais j'y vais régulièrement, oui. Christopher, continue voir la question d'après. Elle était assez. La question d'après, vas-y voir. Es-tu défaite, c'est toi. Non, aides-tu les voisins, les personnes âgées à faire leurs courses? Ok. Aides-tu les voisins à faire leurs courses et les personnes âgées? Alors, oui, j'aide de temps en temps mes voisins quand ils ont besoin. Après, ils font leurs courses eux-mêmes. De temps en temps, je les aide. Mais c'est. Dans le village où j'habitais avant, je le faisais plus souvent. Mais là, mes voisins sont. Ils n'ont pas forcément besoin de moi. Est-ce que tu le fais, toi, Christopher? Non. Allez-y. Vas-y, Nicolas. As-tu des frères et sœurs? Voilà. Oui, j'ai des frères et sœurs. J'ai une grande sœur et un grand frère. Corinne. Oui, vas-y. Nettoies-tu la nature? J'essaye de ne pas la polluer, de ne pas mettre mes papiers dans la nature. Et quand j'en trouve et que je peux les ramasser, je le fais. Voilà, de temps en temps, je vais sur les chantiers de nettoyage. Quand je peux, parce que c'est important de ne pas polluer la nature. C'est quoi? Nicolas, tu peux enchaîner. Vas-y, on continue. Aimes-tu courir? Voilà. Aimes-tu courir? Alors, j'aime bien ça, mais je peux plus trop courir parce que j'ai mal aux genoux. Alors, je peux plus courir comme je voulais. Avant, je courais régulièrement. Mais voilà, je peux plus courir autant que je veux. Courir pour les articulations. Corinne. C'est pas toujours facile. Oui. Une question. Vas-y. Vas-tu en boîte de nuit? Ça fait très longtemps que je suis pas allé en boîte de nuit. Qui? J'y suis allé quand j'étais plus jeune, oui. Et toi, t'y vas, Christopher, en boîte de nuit? Non, c'est pas là. C'est bien. Que regardes-tu à la télé? Alors, je regarde beaucoup de séries. Et je sais que t'es fan des séries de zombies. C'est ça, Timothée? Et ben moi aussi, j'aime bien les séries où il y a des zombies. Christopher, qu'est-ce qu'on pense? Toi, t'aimes bien aussi, hein, les films d'horreur, ça. Oui. Là, tu peux nous rappeler, là, quel film t'as regardé pendant les vacances? Film de piranha, film de requin. Zombilenium. Zombilenium. Film de piranha. Zombilenium, on avait été voir au cinéma. Au cinéma. Oh oui. En 4e. Ah, elle m'a rappelé, j'avais pris tout mon popcorn. Elle m'a rappelé, vous avez tous piqué mon popcorn. Hein. Oui, bon. Fou, non moi. Piquer un popcorn. Non moi, Didi. Non moi. Poursuivez vos questions. Non. Vas-y. Fais des fêtes, c'est toi. Oui, je fais des fêtes chez moi. J'aime bien recevoir des gens et j'aime bien faire la fête. Alors, pas musique à fond parce que les voisins, ils aiment pas trop. Hein. C'est quoi faire la fête pour toi? Musique à fond, alcool. Alcool. Nous on a fait. Si tu fais la fête chez toi. Non. Les trucs que tu vois à la télé une fois de plus, hein? Ouais. Bah oui. Nicolas, tu n'as pas fini. Timothée n'a pas fini et Steven. Quoi? C'est avant, tu vas me mettre une question en plus. Vas-tu dans les bars? Voilà. J'ai pas écouté, excuse-moi, j'ai pas entendu. Vas-tu dans les bars? Oui, ça m'arrive de temps en temps. J'aime bien aller boire mon café le matin quand il y a du soleil. Voilà. Puis de temps en temps, aller boire un coup avec les copains, oui. Toi, c'est coca, oui, on a compris. Oui, vas-y. Ils ont quel âge tes enfants ? Alors, mon fils va avoir 19 ans. Oh, et ma fille, dans quelques semaines, va avoir 17 ans. Ah, okay. Christopher, ah, ok. Vas-y, Nicolas. C'est quoi la couronne ? Aimes-tu t'amuser avec tes enfants ? Oui. Bah, j'aime bien m'amuser avec eux, mais c'est eux, des fois, ils n'ont plus trop envie de s'amuser avec moi. Ouais. J'ai juste la chance d'avoir mon fils qui joue au baseball avec moi dans la même équipe, donc du coup, on joue ensemble. C'est loin de lui. Je peux plus, Corinne. Vous vous amusez, vous, avec vos parents ? Oui, oui, moi, je joue aux cartes. Bah, là, si vous répondez tous en même temps. Moi, je joue Uno. Je joue Uno, moi. Et toi ? Moi, je joue à la bataille. Et toi, Nicolas ? Non, rien. Toi, tu ne joues pas avec tes parents ? Non. Et moi ? Moi, moi. Toi, tu joues ? Non. Non. Oui, Timothée. Regarde avec une... Lave-tu ta voiture. Pas quel enchaînement. Oui. Alors, j'avoue que je ne la lave pas très souvent. Parce que... voilà, c'est... C'est, tu verras quand elle sera garée sur le parking à l'IME, tu verras qu'elle n'est pas toujours très propre. Voilà la laverie. Donc je pense que va falloir que je fasse quelque chose. Petit nettoyage de printemps. Un petit nettoyage de printemps, d'accord, Thibaut. Ouais, j'ai fait ça. Oui, Nicolas. Joue au jeu de société avec tes enfants. Oui, je joue aux jeux de société avec mes enfants, parce qu'on aime beaucoup ça. Donc on a pas mal de jeux. Et de temps en temps, alors, quand ils étaient plus petits, on jouait quasiment tous les jours. Aujourd'hui, c'est un peu moins souvent. Parce que... Ils sont beaucoup sur leur téléphone, oui. T'as raison, Christophe. Oui. Es-tu marié ? Oui, je suis marié. Des bisous. Voilà. Eh ben, figure-toi que je l'ai perdu. Alors, L'alliance ! Perdu l'alliance ! Oh, ça ne sert pas l'alliance ! C'est grave ? Ah oui ! Oh oui, oh là là ! Pourquoi c'est grave ? Tu ne dois jamais perdre ton alliance ! C'est pas grave, c'est parce que ça coûte cher. Qu'est-ce qu'il a dit, Timothée ? Ça coûte cher, l'alliance. Ouais, ça coûte cher, hein, une alliance. Ah ben, oui. Il a dû faire tomber le lavabo. Non, en fait, je suis allé faire un match de baseball et je l'ai enlevé pour ne pas me casser les doigts. Et en fait, je l'ai perdu. Et t'as dû te faire gronder. Un petit peu. Démonte à la maison. Oh, Christopher, tout de suite, le film. Attends, j'ai une question. Là. Vas-y. Vu que tu es fan de baseball, tu as une équipe. Dis-moi les noms de ton équipe préférée. C'est qui joue dans l'équipe, là ? De baseball ? Oui, l'équipe américaine, t'as dit. Là. Oui, l'équipe de Boston. Oui, leur nom. Ah, tu veux le nom des joueurs ? Oui, voilà. Je connais pas tous les joueurs exactement, mais je sais pas si ça te parlera beaucoup. Hein. Vas-y, dis. Alors, un nom que tu pourrais connaître Brian William. C'est drôle, le nom, là. Elliot, David... Ah, tu sais, ils sont très nombreux dans les équipes de baseball aux États-Unis. Hein. Il y a plus de 40 joueurs, donc c'est difficile de se souvenir de tous. Oh là là. C'était une question piège, ça, Christopher, non ? Ouais. Et toi, tu en connais des joueurs de baseball américains ? Non, j'ai bien inventé comme ça. Mm-hmm. Oui, vas-y, Nicolas. Aimes-tu aller au restaurant ? Avec ta femme. Aimes-tu aller au restaurant avec ta femme ? Oui, j'aime bien aller au restaurant, oui. Avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis. Et si t'as pas parlé de la carte on bleue y va de temps en temps. Ah bah c'est sûr que la carte bleue, elle aime pas beaucoup. Christophe. Elle a dit... Oh, yo ! La carte bleue. Bon, écoutez, il est 10h40. T'es phénomène, toi. On va faire la pause avec la chanson de Monsieur Ballon. Vous pouvez annoncer, Monsieur Ballon, votre titre. Alors, j'ai choisi le groupe Téléphone et c'est New York avec toi. Ah, New York. Merci Marion, Steven. Merci. entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, percée par le ronron de l'air conditionné. Dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque emmènera, emmène-moi. Un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans le club il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. La couleur Paul. Et c'est une bonne idée. Bon, ben voilà la chanson de Monsieur Ballon, Téléphone. Alors, vous connaissiez Téléphone? Non. Camille, non. Oui. Oui, Juliana. Oui. Non, je connais pas, mais je vais dire un truc. Pour Monsieur Ballon, je mets 100. C'est une belle chanson, alors, c'est ça? Moi, 200. 200 000. 200. Ouais, bon, bah, 300. Ouais. Alors, je suis bien noté, du coup. Avez-vous d'autres questions pour Monsieur Ballon? Non. Quoi, Coco? Question que vous auriez oublié, et puis non? Non. Non. Alors maintenant, il va falloir écouter. Oh. Ah, des questions professionnelles, je savais. Bien, Christopher, des questions professionnelles. Oh, on avance à dormir. Ouais. Bonne nuit, les gars. Je vais essayer d'y répondre, du coup. Dis-moi, ça m'intéresse. Non. Alors déjà le parcours, Monsieur Ballon, il a répondu tout à l'heure parce que Juliana, elle a eu la bonne idée de poser la question là. C'est bien, c'est bien. Alors maintenant, on va demander à Monsieur Ballon. C'est bizarre, toi. On peut écouter. Mais lui, il est bizarre. Bien. Bizarre. Quel est le rôle de Monsieur Ballon à l'IME? Chef de service. Dans les grandes lignes. Hein, C'est une très bonne question, oui. Oui. Chef de service. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, chef de papier. Service? Papier. Papier. Un homme d'affaires. C'est le montant de la directeur, du directrice. Le menton. Le menton. Ah. Moto. En fait, le chef de service, son rôle, c'est d'organiser l'accompagnement des enfants qui sont accueillis à l'IME. Oui. Et pour ça, s'appuie sur l'équipe éducative, les éducateurs, les professionnels qui interviennent, comme les orthophonistes, les psychologues. Mouton. Voilà. Comme Corinne, voilà, l'éducatrice qui vous accompagne. Comme Justine, l'enseignante. Donc mon rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble pour vous accompagner le mieux possible à l'IME. Mmh. Voilà, en gros. En gros. Donc ça veut dire organiser le planning de travail des éducateurs, c'est valider des projets d'activité. C'est, valider ou pas. Ou pas, oui, ça peut arriver de ne pas valider. C'est de réfléchir à comment ce qu'on met en place pour pouvoir vous accompagner au mieux jusqu'à ce que vous quittiez l'IME. Donc on parle d'activités scolaires, on parle d'activités techniques, on parle beaucoup de choses, quoi. Quoi? Donc tout ça, il faut que, en fonction de votre projet à chacun, on puisse vous accompagner dans votre projet. Que ce soit celui pour là maintenant, mais pour, aussi pour plus tard. Donc tout ça, bah, il faut y réfléchir. Alors c'est beaucoup de temps où on réfléchit, c'est beaucoup de temps où on discute, mais qui est nécessaire pour pouvoir bah, vous permettre de grandir dans des bonnes conditions et puis de pouvoir réaliser votre projet de vie. Mmh. Est-ce que vous avez compris tout ça? Oui. Alors, je dis vous êtes au top, hein. Vous êtes parfait. Ouais. Ah. Alors, c'est vrai que c'est des choses qu'on aborde quand on est ensemble dans les projets d'accompagnement. Bon, super. Alors, je passe à la question suivante. Et on écoute, s'il vous plaît, sans bailler. Alors, dans vos fonctions, M. Ballon, que trouvez-vous de sympa et de moins sympa? De moins sympa. Alors, ce qui est sympa dans mon travail, c'est, de, bah, c'est déjà c'est de travailler avec les enfants. C'est de pouvoir vous rencontrer régulièrement, c'est de, d'avoir des échanges avec, les, avec l'équipe, de pouvoir vraiment réfléchir comment on peut vous accompagner au mieux. Ce qui est de moins sympa, et de beaucoup moins sympa, c'est d'être sur, tout le temps sur mon ordinateur et de gérer les plannings, vous savez, les temps de présence des éducateurs, parce que ça prend un peu de temps et c'est pas toujours le plus sympathique. Pourtant, il faut le faire. Mais c'est, voilà, ça fait partie de mon travail, et donc je le fais. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Bon, bah, vous allez vite, monsieur Ballon. Hein. Un peu trop. Non, monsieur. Alors, la dernière question. Ouf. Pensez-vous qu'il y aura du changement dans le médico-social en positif, hein, dans les années à venir, concernant la prise en charge, le fonctionnement, les établissements, je sais pas quoi. Est-ce qu'on a déjà une vue un peu... Alors des changements, oui, bien sûr, il va y en avoir, je pense, des gros, des changements assez importants, hein, alors qu'ils sont décidés par, par des gens au-dessus, bien au-dessus de moi et au-dessus de l'ADAPI, hein, qui sont... au niveau du ministère des Affaires familiales, de la santé, et ainsi de suite. Donc oui, des bouleversements et des changements, il va s'en opérer dans les prochaines années. Et le principal, c'est ce qui va s'opérer, c'est qu'on demande à ce que les enfants soient beaucoup plus scolarisés ou accompagnés dans leur milieu de vie proche de chez eux. C'est-à-dire qu'on... aller, de pouvoir aller à l'école, dans l'école de leur quartier, de leur village, aussi aller au collège qui est près de chez eux. Voilà, ça c'est des choses qui vont de plus en plus être demandées. Et il y aura peut-être un petit peu moins de présence dans nos établissements. En tout cas, ce sera différent, ce sera peut-être un peu plus à la carte. Donc je pense que c'est mieux, parce que ça sera vraiment plus adapté à chacun et vraiment en fonction du projet de chaque enfant. Et ce sera peut-être répondre de façon plus importante aux besoins et pas forcément faire des activités qui sont pas utiles ou pas. C'est répondre toujours à la loi aussi, hein. Maintenant il y a de plus en plus de normes. On voit bien, hein. Bon, en même temps, c'est bien, bon, je dis, hein. Parce que quelques années en arrière, on travaillait un peu comme ça, mais maintenant, il y a quand même des textes qui sont venus quand même alimenter la façon de travailler des établissements et tout. Oui, c'est vrai que les lois depuis plusieurs années maintenant nous obligent à être un peu plus efficaces dans notre travail, à répondre mieux aux besoins de chacun. Et c'est vrai qu'en ça c'est une énorme évolution. Notamment, les enfants le voient tous les ans, puisqu'on fait le projet personnalisé d'accompagnement, qui est important, puisque ça leur permet de dire ce qu'ils ont envie de faire plus tard, de pouvoir vraiment travailler sur leur projet à eux, et pas forcément le projet d'une structure. Et ça, en ça, c'est très important. Voilà. Après, on a, en fonction de ce qui est possible, des jeunes qui peuvent faire des formations professionnelles et qualifiantes. Et en ça, c'est très important de pouvoir le permettre, même à des enfants qui sont accueillis en IME. Parce qu'il y a beaucoup de capacités, il y a beaucoup de potentiel. Et ce serait dommage de ne pas les exploiter, de ne pas leur donner la possibilité de s'épanouir professionnellement en faisant le métier qu'ils auraient envie de pratiquer plus tard, en fonction des possibilités, des capacités. Mais je pense que ça, c'est très, très important également, de pouvoir permettre ça et de ne pas forcément être sur un parcours unique en établissement. Et que chacun puisse que chacun puisse aller dans le sens de son parcours et de son propre projet. Est-ce que vous paraît essentiel. Compris là. Oui. Moi j'ai compris. Oui. Je vais vous poser la question. Oh non. Oh. En gros là, qu'est-ce que vient de dire Monsieur Ballon. Ça pourra aider les enfants ceux qui ont des difficultés. Allez-y. Pour leur projet. Oui. Ce qu'on va faire plus tard. Est-ce que vous pensez que vous allez rester à l'IME encore longtemps? Non. Oui. Moi je reste. Non. Tu restes parce que tu y es bien ou tu restes parce que tu sais pas ce qui est possible de faire? Bah oui. Parce qu'il y a des copains, cool. Oui. C'est cool. On est bien ici. Ah ouais. Et vous savez quand même qu'il y a un âge où l'IME... 20 ans. Bah oui. 20 ans dehors. Hop. Ouais. Donc faut voir. Non, c'est pas dehors, Christopher. Non. Oui, Louise, elle est restée là 23 ans. Alors des fois, oui, il y a des jeunes adultes qui restent un peu plus longtemps parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution pour eux. De place pour eux dans le secteur des adultes. C'est trop dur. Oui, Timothée. Moi, quand je serai grande, quand je vais partir de là, je vais faire un petit discours. Tu vas faire un discours. Ouais, hein, moi aussi. Tu te projettes dans le discours. C'est moi bien aussi. Déjà. Moi aussi. Alors écoutez, il est 53. Donc il faut quand même... dire plusieurs choses. Déjà que nous allons être durant 2 semaines absents, Marion. 1er 8 mai, il n'y aura pas de radio, c'est férié. Hein. Faites du travail. Vous serez chez vous, oui, faites du travail. Mais ça fait rien, vous pouvez lui téléphoner le matin, monsieur Ballon. Non, mais vous lui direz le lendemain. Faites du travail. Voilà. Et puis sinon, dire aussi que pour l'instant, Timothée, pour l'instant, il n'ira plus à la radio, hein, et ce, au moins déjà jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que tu peux dire pourquoi, Timothée? De quoi? Pourquoi les prochaines semaines, là, jusqu'en juillet, tu ne viendras plus à la radio? Parce que... Bah, Timothée, tu le sais, hein. Non, Nicolas, c'est Timothée qui parle. On a décidé de changer un peu. Ah oui, on a décidé non, comme c'est ça, pas ça, pour rien. C'est pas ça. Hein? Non, Nicolas. C'est pas ça. Pourquoi tu ne pourras plus être présent à la radio les mercredis, Timothée? Je sais plus. Qu'est-ce que tu vas faire à la place? Pendant que nous, on sera à la radio, toi, tu feras quoi? Chez les grands. Hein. À la CIFPRO. Oui, tu vas faire des immersions à la CIFPRO. Donc c'est pour ça que pour l'instant, et jusqu'à la fin de l'année, tu ne pourras plus venir à la radio. Hein, c'est ça? Oui. Donc Nicolas va venir à la radio. Je rappelle que c'est un essai, Nicolas, hein, suivant le comportement aussi, hein. On est d'accord, Nicolas? Oui. Voilà. Oh, elle est là. Tu n'as pas pris la place de Timothée, hein, comme tu... Non, c'est une opportunité seulement pour toi parce que Timothée fait des immersions. Comme moi. D'accord? Comme moi. Voilà. Voilà, comme Camille, comme Juliana les a fait l'année dernière. Ah, on n'a pas fait, nous. T'as pas fait? Juste tout de suite. Allez, à fond. Voilà, et maintenant. Ça se prépare, l'avenir se prépare. On va laisser la parole à Monsieur Ballon pour clôturer l'émission. Oh, quoi? C'est encore moi qui parle, Louise Zinedine. Monsieur Ballon, c'est la première fois qu'il vient à la radio. Il était bavard. Il était bavard, c'est ça que tu as dit? Parce que toi, tu n'y es pas. Je crois que j'ai trouvé un maître en la matière, hein, Zinedine. Moi, je voulais vous remercier de votre invitation. De ce moment de, d'échange, je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est un moment de partage. Je trouve ça très très bien. J'espère que je reviendrai, alors pas la semaine prochaine, hein, parce que ça va être fermé. Mais je serai content si vous m'invitez dans quelques mois pour une autre émission, parce que c'est très intéressant. Donc, j'espère que c'est un projet qui va continuer hein, aussi, puisque ça fait déjà quelques années que c'est en place. C'est pas la date exacte, mais... Et je suppose, en tout cas, on fera en sorte que ça se poursuive encore quelques années, parce que c'est vraiment un support de travail très, très intéressant pour vous. En tout cas, vous avez l'air content d'être là. Vous avez l'air... plutôt souriant et heureux, donc je suppose que c'est quelque chose qui vous plaît. En tout cas, ça se voit, même si vous ne le dites pas forcément, mais ça se voit en tout cas. Ça vous plaît, non? Oui. La radio, ça vous plaît quand même. Oui. Ah, sinon, on arrête tout de suite. Hein, mais... Non. Donc ça fait partie des projets, toi Christopher, que je peux continuer à valider sans problème. Et ça fera pas trop chauffer la carte bleue, du coup. La carte bleue de l'IME, hein. Sacrée préoccupation. C'est bon, ouais. Est-ce que vous avez... pas, vous avez encore des invités les prochaines fois hein. Oui, on en a. La Benoît. Et moi, je viens pas, moi, encore. Oui. La prochaine émission, on a invité Marion. Parce qu'on aimerait parler de l'association de Radio Guémozo. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, on n'en a jamais parlé. La grande ou la petite? La grande, là, qui est là. Oh. Et on va lui poser des questions sur l'association Radio Guémozo. On a trois mains et Marion. Non, Marion, là. Oui, Marion qui est là. Petite Marion à Téninette. Donc voilà, la prochaine fois, c'est toi, Marion. Tu te rappelles, hein? Voilà. Il y aura Madame Swartonbrooks aussi un peu plus tard. Ah, ça va pas être la même, hein. Hein, Zinedine. Ça mange des enfants, Madame Swartonbrooks. Qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai rien dit. Elle a dit, Madame Swartonbrooks mange des enfants. Elle mange de midi, le soir. Non, elle mange plutôt. Elle boit. Non, s'il te plaît, Nicolas. On raconte pas de bêtises quand même. En plus, tu le sais. Alors, on va remercier Monsieur Ballon d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci. Merci, Julien. Merci à tous. Nous allons rendre l'antenne. Saluer nos auditeurs. Au revoir. Assieds-toi et leur dire rendez-vous dans le 15 mai. Voilà. Rendez-vous dans 15 mai. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. La micaouette me fait la tête. Cacahuète. La petite Noé veut plus me parler. La micao, ma micao. Cacao. La petite Ramelle m'est infidèle.